j'en m'ont parlé tant de fois. Le jour où je tomberai dans tes bras, mais tu n'as jamais vu le jour. Et je n'ai jamais connu l'amour. Les rumeurs courent, mais je marche seul. Les gens peuvent parler tant qu'ils veulent. Moi je veux faire mon chemin sans toi. Je peux pas perdre ce qui n'est jamais là. Qu'importe les douceurs, les promesses. Qu'importe la douleur. Ce sera sans moi. Cette fois ce sera sans moi. Maybe on se reverra une autre fois, dans tes bras. J'ai tout fait quand j'étais sans toi. J'ai douté, puis j'ai trouvé ma voie. J'ai prouvé, j'ai tout fait. Si t'es le remède, je préfère la fièvre. Et de ta bouche, ton rouge à lèvres. Et de ton souffle, je préfère le vent. Autant être moi à 100%. Moi je n'ai qu'une certitude, c'est que l'amour n'en est pas une. Moi j'ai des envies grandioses, au parfum frais, à l'eau de rose. Qu'importe les douceurs, les promesses. Qu'importe la douleur. Ce sera sans moi, cette fois ce sera sans moi. Maybe on se reverra une autre fois, dans tes bras. J'ai tout fait quand j'étais sans toi. J'ai douté, puis j'ai trouvé ma voie. J'ai prouvé, j'ai tout fait.